Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie pour une semaine en l'honneur ou pas du père. Comment hériter d'un père qui nous embarrasse? Ou faut-il justement s'en débarrasser, au moins symboliquement? Ce sont les questions que l'on s'est posées lundi et mardi grâce aux frères Karamazov de Dostoïevski, grâce à Freud et son complexe d'Œdipe. Aujourd'hui, on ne tue pas le père, au contraire, on le fait vivre, voire on le ressuscite, et grâce à Shakespeare. Vivre dans la sueur fétide d'un lit crasseux, où mijote la corruption, où se disent des mots doux, où l'on fait l'amour. Porcherie. Tais-toi! Les mots que tu me dis entrent en moi comme des lames. Arrête! Père, vous me reconnaissez? Oui, oui, vous êtes un esprit, je le sais. Quand êtes-vous morte? Encore, il délire encore. Il se réveille à peine. Il faut lui laisser le temps de se reprendre. Voyons, voyons. Si je me pique avec une épingle, je le sens. Merci, papa. Bonjour, Gisèle Venet. Bonjour. Vous êtes professeure émérite à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, spécialiste de William Shakespeare et de tous les dramaturges baroques du théâtre élisabétain et jacobéen. Vous connaissez sur le bout des doigts ces deux pièces, Hamlet et Le Roi Lear. Est-ce qu'on peut dire que ce sont deux pièces qui sacralisent la filiation entre les pères et leur progéniture? Qui la sacralise, mais en même temps qui la désacralise. Elles sont très différentes d'ailleurs dans la manière d'aborder le père, puisque d'abord on a un père fantomatique dans la première, dans Hamlet, tandis qu'on a un père presque omniprésent, presque présent dans chaque scène, dans Le Roi Lear, et lui-même se revendique comme père. Tandis que dans Hamlet, c'est presque un père fantasmé. C'est-à-dire, Hamlet parle de son père, le père revient en scène à la fin de l'acte 1 pour donner cette mission à Hamlet de le venger, mais il n'est pas présent véritablement, ça n'est pas un personnage. Mais il hante toute la pièce, mais il n'est pas véritablement présent. On peut jouer la pièce, par exemple, sans faire incarner le père d'Hamlet par un acteur. C'est une possibilité dramaturgique. Tandis que il faut bien que Le Roi Lear soit en scène du début à la fin, parce que effectivement, c'est lui qui domine d'une espèce de présence physique, et puis cette présence qu'il a aussi au monde physique, à ce monde aussi du physique des femmes, qui est très présent quand il évoque les ventres, quand il évoque ses filles qui sont devenues comme des chancres, c'est-à-dire on a une sorte de présence physique exacerbée dans Le Roi Lear, qu'on n'a pas à ce degré dans la relation au père, encore qu'on l'ait autrement, mais on l'a par l'imaginaire d'Hamlet, ou sa façon de parler à sa mère, ou de sa mère, ou à Ophélie, ou d'Ophélie, mais ça n'a pas cette espèce de présence matérielle qu'on a un peu dans Le Roi Lear, je crois. Donc Hamlet serait une pièce presque éthérée sur les rapports entre un fils et son père, un père et son fils, alors que Le Roi Lear serait une pièce physique entre un père et ses trois filles. Oui, d'ailleurs, c'est si concret, Le Roi Lear, que l'amour même qu'il donne à ses enfants est un amour dont il revendique qu'il soit donné concrètement par des paroles, par des engagements affectifs, et en même temps, lui donne en retour des choses matérielles. Et il donne un tiers de son royaume à sa première fille, un tiers du royaume à la deuxième, mais quand la troisième ne veut pas de ce pacte matériel, affectif matériel, quand on lui dit « Que peux-tu dire à ton père ?» elle répond « Rien !» Et à ce rien, justement, lui-même répond en la répudiant. Mais donc il y a quelque chose qui est toujours matérialisé dans Le Roi Lear. Par exemple, même vers la fin, à tout moment d'ailleurs, il y a une expression, ils sont tous aveugles, ils sont tragiquement aveugles à leur destin. Lire le premier est aveuglé, il y a un aveuglement tragique. Eh bien, cet aveuglement deviendra un aveuglement physique, puisqu'on va arracher les yeux en scène, sur scène. On va arracher les yeux de Gloucester. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire dans le roi Lear, à quel point toutes les images sont matérialisées en quelque sorte. Elles n'ont plus un statut d'image au même titre que dans d'autres pièces ou dans d'autres œuvres, en dépassant Shakespeare à ce moment-là. Très idéalisée ou très matérialisée, est-ce qu'on peut dire que la filiation est un thème à part entière dans l'œuvre de Shakespeare ? Oui. C'est un ressort pour l'intrigue particulière. C'est un ressort. C'est un ressort dans ces deux pièces, à l'évidence, bien sûr, puisque Hamlet n'existe que par la mission que lui donne son père. Et nous ne connaissons Hamlet que parce qu'il a cette mission de vengeur. Sinon, on n'en aurait presque rien su. Il est au début, il récuse, bien sûr, avant même d'avoir la révélation du spectre, il récuse une filiation dont il ne veut pas, qui est la filiation de son beau-père. Claudius. Voilà, quand le beau-père lui dit « mon fils est mon neveu », il lui dit « moins que fils et plus que neveu ». Et donc il récuse toute filiation avec ce faux père. Ce nouveau mari de sa mère, ce beau-père, qu'il récuse. Donc, il y a un problème de filiation, là. Il lui faut purifier sa filiation. Il a trop de pères. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pères dans Hamlet, finalement. Il y a aussi le père de Fortinbras. Il n'y a pas qu'un seul père. Il n'y a pas qu'Hamlet. Et puis, il y a Hamlet, le père, du temps où il était le vrai père, du temps où il était le père du royaume, le temps où il gagnait des guerres, etc. Et puis ensuite, il n'est plus que ce spectre transparent à notre regard, à nous, puisque Hamlet est presque le seul, avec Horatio et deux autres hommes, à l'avoir vu. Les autres ne le voient jamais. Et dans les autres pièces de Shakespeare, qu'Hamlet ou le roi Lear, est-ce que la filiation, la question du père, d'honorer le père, ou d'être en dette par rapport à ses enfants est une question centrale. Ben, vous prenez par exemple une pièce qui n'a pas du tout l'air d'être sous le regard du père, mais quand même, Roméo et Juliette. Juliette meurt de l'incompréhension de son père. Son père ne veut pas voir qui elle aime. Elle est une autre Ophélie, ou elle est plutôt Ophélie avant Ophélie, puisqu'on a aussi d'autres pères dans Hamlet. On a évidemment le père de Laërte et le père d'Ophélie, Polonius. Et Polonius est un père effroyable. Il fait espionner son fils à Paris et il interroge sa fille jusqu'à ce qu'elle sache jusqu'où elle est allée avec Hamlet. C'est-à-dire c'est un père véritablement dominateur qui veut gérer la vie de ses enfants. C'est le père un peu caricatural, caricature de père, en quelque sorte. Mais c'est un peu ce qu'était le père de Juliette. De Juliette. Il ne voulait que le bonheur de sa fille. Mais en voulant le bonheur de sa fille, évidemment, il s'aveugle lui-même à la réalité du désir de son enfant. On va rentrer dans le détail de ces deux pièces, Hamlet et Le Roi Lear. Gisèle Venet, je vous propose qu'on commence par Hamlet. Ah, si cette chair trop, trop solide voulait bien fondre, se dissiper, se dissoudre en rosée. Et si le Tout-Puissant n'avait pas condamné le suicide, Dieu, que tous les usages du monde me sont lourds, ennuyeux, inutiles. Fidon, c'est une terre de mauvaises herbes. Un jardin monté en graines où ne pousse qu'indécence et grossièreté. En être là, 2 mois qu'il est mort, non pas même 2 mois. Un si bon roi qui était à celui-là ce qu'est Hyperion à un satyre, si amoureux de ma mère qu'il n'eût pas toléré à son visage une touche trop rude du vent. Ciel et terre, faut-il que je m'en souvienne? Elle se pendait à lui comme si la faim qu'elle avait de lui s'était accrue de ce qu'on l'apaisait. Et cependant, un mois plus tard... Fragilité, ton nom est femme. Un petit mois de rien du tout. Les souliers avec lesquels, pleurant comme Niobé, elle suivit le convoi de mon pauvre père n'étaient pas encore usés. Elle... Oui. Elle... Dieu, les bêtes n'ont pas le secours de la raison, mais elles pleurent plus longtemps. Elle épousait mon oncle, le frère de mon père, mais qui lui ressemble comme je ressemble à Hercule. À peine un mois. À ses yeux, le sel de ses pleurs mensongers n'était pas encore sec qu'elle se mariait. Oh, la hâte mauvaise de se jeter si vite entre des draps incestueux. Ce n'est pas, et ce ne peut être bien. Mais brise-toi, mon cœur. Il faut tenir sa langue. Gisèle Venet, on vient d'entendre le monologue d'Hamlet, c'est acte 1, scène 2, interprété par Claude Riche. On y entend toute la douleur d'un fils qui a perdu son père et qui en veut à sa mère d'avoir su remplacer son père aussi vite. Oui, c'est un monologue poignant, mais en même temps, c'est un monologue redoutable. On voit la comparaison qu'il fait. Hyperion, c'est-à-dire le dieu absolu, et l'autre n'est qu'un satyre. Donc, il va jouer à plusieurs reprises de cette opposition des portraits, comme si effectivement il y avait deux portraits en vis-à-vis, dont l'un est l'inverse de l'autre. Mais ce qui est quand même tout à fait étonnant, c'est que cette douleur est amplifiée par ce désir de la mère, si parfait, si beau pour le premier père, et désir qui, de nouveau, est désir du second père, ce qu'il ne peut pardonner. Cette hâte à aimer de nouveau. Sa fragilité, ton nom est femme, et ça va effectivement lui lever, enfin, lui perturber tout désir de la femme, puisque il va envoyer à l'acte 3, il va envoyer Ophélie dans soit chez les nonnes, soit au bordel, puisqu'il y a un jeu de mots peut-être sur nonnery, et donc son désir lui-même de la femme est perturbé. Donc c'est bien le père fondateur, c'est bien le père fondateur d'un désir, le père fondateur d'un amour, pas seulement ici le père idéalisé comme père du petit garçon. Hein. C'est vraiment une histoire d'homme à homme et cette transmission du désir qui se fait par le désir du père, par l'amour du père et par cette dépréciation de la femme. Peut-être on arrive à l'apogée de cette identification entre un fils et son père, c'est-à-dire que l'enfant va essayer de ressembler à son père, mais là, on va dire qu'il prend sa place, puisqu'il en veut à sa mère, comme si sa mère l'avait trahi lui-même. Oui, mais en même temps, il a une position de voyeur. Il est l'enfant qui était dans les draps, quelque part. Tout d'un coup, ces draps deviennent des draps incestueux. Et c'est vraiment, ici, on a une sorte, oui, de désir un peu voyeur. Il a quand même vu sa mère être à ce point aimée. Ce qui ne peut pas être sans séquelles pour lui, en quelque sorte. C'est tout à fait étonnant de voir à quel point il a été présent à l'amour du père pour la mère, au point qu'il se souvienne et au point que cela pervertisse tout nouvel acte d'amour qu'il y aura pour la mère. Et le sien propre, puisqu'il va ensuite... peut-être qu'on écoutera ce passage, mais ce passage où il reproche justement à sa mère cet amour incestueux. Mais de quoi la mère est-elle coupable? D'avoir remplacé son père, peut-être, mais aussi en fait d'avoir détourner le regard de la filiation qu'elle a eue avec le père d'Hamlet. C'est-à-dire qu'en allant vers Claudius, elle renie elle-même la filiation. Et on peut se poser la question de la place des mères chez Shakespeare. C'est-à-dire oui, que mais... la mère répudie le père disparu et de la même manière, le fils va la répudier à son tour. Mais la façon dont Shakespeare l'écrit, parce qu'il a quand même une écriture qui est tout à fait étonnante, eh bien, il écrit quelque chose au début d'extrêmement neutre et pacifique. Le nouveau père est très heureux d'accueillir son nouveau fils. La mère est très heureuse de ce nouvel état. Et effectivement, c'est le regard du fils. C'est ce regard d'Hamlet dans ses nouveaux draps incestueux qui va perturber le couple, le nouveau couple qui a été formé entre Claudius et Gertrude. Est-ce que ça va être le déclencheur de l'action ? Ce regard posé par Hamlet sur le nouveau couple formé par sa mère et son beau-père, est-ce que c'est ça qui va déclencher l'action, qui va permettre l'intrigue de se développer et donc donner à Hamlet une véritable mission? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Gisèle Venez. C'est-à-dire que sans cette mission de venger son père, on ne connaîtrait peut-être pas l'histoire d'Hamlet. Ce qui est intéressant, c'est que la mission vient après. C'est très extraordinaire. Enfin, cette intuition qu'a Shakespeare quand il écrit, que quelque chose s'est déjà dégradé avant même, et il va comprendre quand le père spectre va lui révéler qu'il a été empoisonné. Pour l'instant, il ne sait pas. Son seul reproche, c'est qu'il n'y a eu qu'un mois de deuil. Les viandes rôties des funérailles sont servies froides au mariage, tellement ça a été vite. Donc, pour l'instant, c'est cette rapidité qui l'irrite, c'est ce changement de désir, ce déplacement du désir de la mère qui lui est un bouleversement pour l'image qu'il a gardée du père, le souvenir qu'il a gardé de son père. Il est humilié dans cette figure du père que lui a conservée. Mais quand il va comprendre, quand le spectre va lui révéler qu'on l'a empoisonné dans son jardin et que le spectre va lui donner comme mission de le venger, c'est alors qu'il devient cet Hamlet du deuxième acte et de la suite de la tragédie. Que l'on connaît, le Hamlet héroïque qui venge son voilà, père. Voilà, qui va tenter de trouver le moyen de venger ce père. Il y mettra le temps qu'il faudra. Il finira par accident d'ailleurs. À l'acte 5, il n'est même plus dans l'intention du vengeur, mais il se trouve que tout d'un coup, il peut porter ce coup mortel à Claudius, et il le fait, donc il faudra 5 actes pour que s'accomplisse cette vengeance, mission qui lui est donnée à la fin du premier acte. Donc, on a tout ce jeu avec le temps, tout de même, ce temps détraqué, dont lui-même dit dans sa conversation avec le spectre que, justement, le temps est détraqué et que c'est effroyable, c'est ce qui l'oppresse, que ce soit à lui qu'on ait donné comme mission de restaurer, en quelque sorte, un temps. Un ordre. Un ordre du temps. Mais est-ce que c'est à lui que devait revenir cette mission, Gisèle Venez, quand vous dites que, là, ce qu'on vient d'entendre, le monologue... Hamlet n'a pas encore vu. Le spectre, non, il n'a pas encore de mission. Mais déjà, vous avez dit, il est dégradé. C'est-à-dire que le rapport avec sa mère est dégradé. Il le dira, par exemple, quand il va rencontrer le spectre et que le spectre va commencer à lui parler, il dira « Oh, mon âme prophétique !» C'est-à-dire que là, c'est là qu'il est prophète. Dans ce premier passage qu'on entend, il est prophétique de ce qu'il va découvrir lui-même. Il a l'intuition. Il a l'intuition de quelque chose de pourri, en tout cas dans l'amour du père et de la mère, dans cette rapidité à changer d'homme, à changer d'amant qu'elle a, sa mère. Et donc, c'est ce moment qui perturbe dans Hamlet sa perception du monde entier. Mais il y a tout un paradoxe pour Hamlet à être héroïque, grâce à son père, ou à cause de son père, ou pour son père, c'est-à-dire que c'est le père à venger qui l'investit d'une mission, et en même temps, ça le prive de toute initiative personnelle, d'une certaine manière. C'est-à-dire que Hamlet n'a d'existence que par son père et que par la mort de son père qu'il doit venger. Ah oui, il est complètement... Oui, le moment où le père révèle cette mission de la vengeance, le temps d'Hamlet est fini. Sa vie est terminée. C'est en ça que c'est un héros paradoxal. Il n'est plus là que... Et d'ailleurs, on le sait, puisque avant, il était l'amant d'Ophélie, il lui écrivait des poèmes, il l'aimait, et après, il ne pourra plus jamais aimer Ophélie. La seule scène qu'on aura avec Ophélie, c'est la scène effroyable qu'il lui fait, la scène où il la rejette. Ou alors, quand il la taquine pendant que les acteurs jouent la pièce dans la pièce, le piège dans lequel il va prendre la conscience du roi, comme Shakespeare le lui fait dire, à ce moment-là, il joue avec Ophélie comme Ophélie n'aime pas qu'il joue avec elle. C'est-à-dire, il en fait un objet sexuel, ce qu'elle ne veut pas. Et lui-même est une sorte d'objet dans cette intrigue, c'est-à-dire que Hamlet, cette pièce porte son nom, il n'a de substance. Il y a une ambiguïté sur les deux noms, puisqu'il y a deux Hamlet, il y a le roi Hamlet père, et il y a évidemment la filiation, c'est là qu'on a la filiation, Hamlet le fils, ça c'était très important, on a l'ambiguïté effectivement. À qui s'adresse ce titre? Est-ce que c'est le vieux Hamlet qui va dominer la pièce puisqu'il faut le venger, ou est-ce que c'est le jeune fils qui doit effectivement venger le père, et qui vengera son père? Avec une obstination extraordinaire, on dit souvent que Hamlet manque toutes les occasions de venger son père, ça n'est pas vrai. C'est surtout qu'il doit trouver le moment, trouver le biais, l'occasion. Il est quand même très gardé, il est très surveillé. Il a Rosencrantz et Guildenstern, les deux ineffables visiteurs. Et donc, il est sous surveillance tout le temps. Il doit d'ailleurs prendre le masque de la folie pour dissimuler ce qu'il sait et dissimuler son projet. Et c'est le roi Claudius, qui est un fin politique, qui sait très bien que cette folie est une folie feinte. Je vous propose, Gisèle Venet, d'entendre un autre moment, un autre extrait de cette pièce Hamlet, un moment où Hamlet discute avec sa mère et on va entendre tous les reproches qu'il lui fait. Qu'ai-je fait pour que tu oses élever ainsi la voix contre moi? Un acte qui souille la grâce et la rougissante pudeur. Un acte qui fait de la vertu une hypocrite. Ôte la rose du front d'un amour innocent pour y poser une pustule. Rend les vœux du mariage aussi faux que serment de joueur. Après lui, un contrat n'a plus d'âme, et la douce religion n'est qu'une rhapsodie de mots. Le ciel rougit, sa matière solide, complexe, sa face morne comme au jour du jugement, se révulse. Quel acte, mon Dieu, pour gronder si fort à son prologue? Voyez ce portrait-ci, et voyez celui-là, il représente les deux frères. Voyez, quelle grâce dans le sourcil. Les boucles d'Hyperion, le front même de Jupiter, pour menacer et pour commander. L'œil de Mars, le port du messager Mercure quand il vient se poser sur une colline entre ciel et terre. Par l'assemblage de ses traits, les dieux ont voulu montrer à n'en pas douter ce qu'est un homme. C'était votre mari. Et voici votre mari, épigâté, injure à la santé de son frère. Avez-vous des yeux? Avez-vous pu quitter le haut d'une montagne pour paître dans ce bourbier? Et n'appelez pas cela de l'amour. À votre âge, le sang n'a plus la même ardeur. Plus humble, il se soumet au jugement. Et quel jugement préférerait celui-ci à celui-là? Vous avez toute votre raison, sinon vous ne broncheriez pas. Mais la raison est chez vous aveuglée. La folie ne commet pas de telles erreurs. Et la raison n'est pas l'esclave de la folie au point de ne pas s'y reconnaître quand le choix est si facile. Quel démon a pu vous entraîner dans ce jeu de Colin Maillard? La vue sans le toucher sans la vue. Lui privé des mains et des yeux. Le seul odorat, le plus petit débris de l'un de vos sens ne pouvait se fourvoyer davantage. Oh, honte! Où est ta rougeur? Enfer rebelle, si tu émeux les os d'une matrone, que la vertu soit une cire au feu de la jeunesse et qu'elle fonde à sa propre chaleur. Ne craignez pas à l'infamie quand le désir donne la charge, si la glace brûle aussi vite et si la raison pourvoit au désir. Hamlet, tais-toi. Tu forces mon regard jusqu'au fond de mon âme. et j'y vois des taches si noires et si étroitement serrées qu'elles ne s'effaceront pas. Vivre dans la sueur fétide d'un lit crasseux, où mijote la corruption, où se disent des mots doux, où l'on fait l'amour. Porcherie. Tais-toi ! Les mots que tu me dis entrent en moi comme des lames. Arrête. Doux Hamlet. Un assassin, une crapule, un gueux qui ne vaut pas la 20e partie de votre maître d'hier, un simulacre de roi, le coupe-bourse de l'empire et de la souveraineté qui a pris la couronne sur une étagère et l'a fourré dans sa poche. Un roi de pièces et de morceaux. Acte 3, scène 4, on vient d'entendre Gisèle Venet, toute cette, on va dire, discussion, mais le terme est trop faible pour décrire la fureur d'Hamlet qui décrit à sa mère Gertrude ce portrait de ses deux frères, cette différence, et on entend tous les reproches qu'Hamlet fait à sa mère, cette incompréhension, en fait c'est ça qui, la véritable tragédie pour Hamlet, c'est de ne pas comprendre ce qui a fait que sa mère se détourne de son père pour en épouser un autre. Oui, mais en même temps, la violence avec laquelle il prend possession du corps de sa mère. Et c'est lui qui interdit ou qui autorise le plaisir de sa mère. C'est bon, quelque chose d'absolument... On est sur le complexe d'Oedipe sous les yeux. C'est unique, je crois, dans... Enfin, moi, je n'ai revu ce genre de texte nulle part, même dans Shakespeare. C'est absolument unique. Il possède à ce point sa mère... Il la possède comme un homme possède une femme, plus que comme un fils. On peut se demander d'ailleurs s'il veut défendre son père, s'il est fou d'amour pour son père disparu ou s'il est fou d'amour pour sa mère. Je pense qu'il y a les deux. Effectivement, il prend à ce point fait et cause pour son père parce que le corps de sa mère lui est devenu effectivement un... À ce point, enfin, les mots qui sont utilisés par Shakespeare, le bauge, c'est une condamnation du désir, une condamnation du plaisir, une condamnation du corporel, du physique. Oui, du corporel. Alors, on a cette prise de position et effectivement, la mère le sent bien puisqu'elle lui dit tu m'ouvres les yeux. Il est à la fois sa conscience. Au sens pur du terme, on pourrait dire, sa conscience morale. Et en même temps, il est le maître de son plaisir physique ici. Mais on pourrait dire aussi qu'il est un peu son inconscient, parce que ce qui se joue sous nos yeux, c'est une forme d'Oedipe, de complexe d'Oedipe incarné, avec un fils qui veut sa mère à ce point-là, à tout prix. C'est possible. Moi, je laisse ce discours aux spécialistes. Aux psychanalystes ? Oui, parce que je pense qu'il le manierait mieux que moi. Je ne suis pas apte à manier ce genre de discours. Ce que j'aime, c'est le texte shakespearien. C'est-à-dire un fils qui ordonne à sa mère. Et d'ailleurs, il finit par lui ordonner de quitter le lit de Claudius. À la fin de cette scène, et puis de désespoir devant... fragilité dans ton nom et femme, il lui dit « Mais non, va te vautrer dans ce lit, etc. » C'est là que tu appartiens. Donc, c'est quand même un homme adulte qui parle à une femme non moins adulte plutôt qu'un fils avec toute la réserve qu'on peut imaginer d'un fils qui sort du corps de cette mère. Mais c'est-à-dire qu'il dit, il rend explicite, il l'incarne, il rend presque obscène. C'est-à-dire qu'il montre oui. Tout ce qui reste normalement caché d'un amour pour sa mère ou tout ce qui devrait être imaginé ou de l'ordre de l'inconscient. Shakespeare n'a pas inscrit dans ce texte, il ne peut pas, comment dire, il ne peut pas fuir. Il est confronté à la fois à cette image absolument idéale du père, qu'on ne voit d'ailleurs qu'en tableau, c'est-à-dire qu'un tableau c'est tout de même un aplat sur une toile. C'est une représentation idéalisée aussi. Voilà, une représentation idéalisée. Et elle est tellement idéalisée qu'il ne faut pas moins de 5 dieux de la mythologie pour le représenter. C'est dire, et ce sont des dieux de la mythologie, ce sont même pas des êtres réels auxquels on pourrait comparer le père. Ce sont véritablement des dieux de la mythologie. Il y a là un pouvoir de rendre ce père mythique, plus que présent et plus que réel. Et donc ce père, il est doublement mythique. Il est fantôme, il revient en fantôme, parce qu'il a été critiqué, le père, dans sa gestion de la guerre avec les Fortinbras, etc. Ce vieil Hamlet a été critiqué. Mais du moment où il devient ce père mythique, on entre dans une espèce de vision totalement intouchable du père mythique. La mythologie intervient et puis cette représentation en tableau, qui est tout à fait étonnante. Ce qui est intéressant justement, c'est quand Hamlet dit cette représentation imagée de deux frères. Ce qui est intéressant, c'est la diffraction en fait de la figure paternelle entre un vrai père, néanmoins absent, idéalisé, fantomatique, et un faux père, beau-père, qui, au départ, quand Shakespeare décrit la situation, il la décrit de manière assez neutre. Bon, il accepte, tout le monde est content, il s'est remarié avec Gertrude, il n'y a pas de problème, et pourtant, tout à coup, ce faux père devient le diable incarné, l'erreur, le mal. Oui, parce que ça, c'est l'intuition, justement, que Hamlet se... Il incarne l'intuition dans cette pièce, et il a cette intuition, effectivement. Et dans ce portrait, on a d'un côté le portrait mythique, les dieux, etc., etc., et de l'autre côté, on a celui qui est dans la bauge, et celui qui est vautré dans les draps incestueux. Donc, qui est dans le corporel, dans le matériel. Voilà, dans le matériel, dans le corporel, dans le tangible, etc., dans le reconnaissable, alors que peu de gens peuvent reconnaître soit Mercure, soit Hyperion, à première vue, dans l'immédiat. Donc on a d'un côté l'idéalisation absolument tellement extraordinaire qu'on en perd l'image, on n'a même plus d'image du spectre. D'ailleurs le spectre c'est une non-image, c'est une image mobile, mais c'est une non-image, c'est un non-être. Et en même temps on a Clodius qui va être au contraire une présence physique, y compris dans le moment de sa mort. Jusqu'à la fin, Clodius va être une présence physique importante dans la pièce. On a donc Shakespeare en joue de cette opposition. Voilà, cette opposition. Et où est le vrai père? Le vrai père, qu'aurait-il été s'il avait conservé ce corps qui aime, ce corps qui est dans les draps, ce corps qui désire, etc. Mais ce corps-là, du père a été évacué. Et il est évacué dans ces scènes d'insultes. C'est le corps du père réel qu'on évacue. Et le corps de l'autre est là. Ce corps vautré, ce corps... c'est étonnant la façon dont Shakespeare, effectivement, transforme ces images, l'image des deux pères dans ce passage que vous avez magnifiquement choisi, là, effectivement. Gisèle Venet, le temps passe, on va passer au roi Lear, et on va passer à cette pièce que vous avez décrite comme beaucoup plus charnelle, comme beaucoup plus incarnée, et on va écouter le tout début de cette pièce, le moment où le roi Lear demande à sa fille Cordélia ce qu'elle veut comme part du royaume. À vous de parler, Cordélia, ma joie, vous êtes la plus jeune, mais vous n'êtes pas celle que j'aime le moins. Vous êtes courtisée à la fois par France et ses vignes, par Bourgogne et son lait. Alors, qu'allez-vous pouvoir me dire pour obtenir un tiers encore plus gros que celui de vos sœurs ? Rien. Comment, rien ? Rien. Rien. Bah, c'est pas grand-chose, enfin. Parlez ! Mon amour ne sait pas s'exprimer par des mots. Je suis votre fille, je vous aime comme votre fille, ni plus ni moins. Rien, Cordélia. Enfin, je vous en prie, si vous ne vous reprenez pas, vous allez faire votre ruine. Vous m'avez conçu, vous m'avez élevé, vous m'avez aimé. Je vous dois donc obéissance, amour, respect. Si mes sœurs vous aiment tant, pourquoi ont-elles besoin d'un mari? Si moi j'épousais quelqu'un, il prendrait la moitié de mon cœur, de mes attentions, de mon respect. Moi je n'épouserais personne. Oh, vous êtes sincère? Tout à fait. Oh, Vous êtes si jeune et vous avez déjà le cœur sec. Je suis jeune et j'ai le cœur loyal. Eh bien, vous vous paierez avec votre sincérité. Je le déclare solennellement sur le soleil, sur Hécate et ses mystères, sur la nuit, sur les astres qui nous font vivre et nous font mourir. Je ne suis plus votre père. Je romps tout lien avec vous. Vous n'existez plus. Vous n'existez plus dans mon cœur. Et désormais, vous n'y trouverez plus de pitié, de sympathie, d'hospitalité que les sauvages, que ceux qui font cuire leurs enfants pour les manger. Je vous en prie. Silence, Kent! Ne venez pas vous mettre entre le dragon et sa colère. C'était ma préférée. Je comptais me reposer sur elle. Va-t'en, Cordelia. Gisèle Venet, on vient d'entendre l'acte 1, scène 1 du Roi Lear. Donc c'est une pièce de 1606 de Shakespeare. Et on entend la manière, on entend ce retournement du Roi Lear contre sa propre fille Cordelia. Car quand il lui demande quelle part du royaume veux-tu, elle nous dit qu'elle ne veut rien. Et là, il réagit de manière très étonnante en disant « Alors je ne suis plus ton père ». Pourquoi ce retournement en fait de situation d'un père contre sa fille qui finalement lui déclare tout son amour immatériel détaché d'un royaume ? Parce qu'il a confondu les paroles mielleuses que lui ont donner servi les deux filles aînées. Donc Gonéril et Regan. Gonéril et Regan. Et qu'il confond aussi l'amour qu'il donne avec la matérialisation dans la part du royaume. Et donc, toute la vie matérielle va être bouleversée dans toute la pièce. La totalité de la vie matérielle. C'est-à-dire qu'on va assister à des tempêtes qui menacent les germes même du monde. Ces tempêtes vont être si dévastatrices qu'elles peuvent absolument, littéralement, perdre le monde. C'est-à-dire, c'est la matérialité même du monde qui est mise en cause par ce choix de Lear, ce choix étrange de donner, pour de l'amour, un royaume, au lieu de donner, pour de l'amour, de l'amour. Évidemment, c'est Cordelia qui sait ce qu'elle fait. Elle sait très bien qu'elle ne peut pas donner, d'abord elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas, mais elle va donner à son mari la part qui sera due à son mari. Et donc, il y a une sorte de vérité des mots, et des vérités qui en même temps, que Shakespeare en même temps a symbolisé dans ce mot « rien ». C'est-à-dire, il n'y a rien à dire. Dans les affects, dans l'affection, dans l'amour, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas non plus, et il n'y a rien à donner. Il n'y a pas d'équivalence matérielle. Et pourtant, il va écrire une pièce sur cet amour filial. Ben oui, que ta vérité soit ta dot. Eh bien, effectivement, l'enfant sans dot va rester celle qui aimera jusqu'au bout. Celle qui va tenter de sauver son père. Celle qui va revenir de France avec les armées. Elle perdra les batailles. Parce que de toute façon, dans Le Roi Lear, on est dans ce que Clément Rosset définissait comme la logique du pire, c'est-à-dire la logique tragique. C'est toute la pièce est dans la logique du pire. C'est-à-dire, on ne sait jamais à quel moment on va pouvoir dire « j'ai connu le pire » parce que le pire est encore là. C'est ce que dit Edgar quand il voit arriver son père, les yeux crevés. Alors parce qu'il y a une autre intrigue dans Le Roi Lear, oui, il faut le dire. Il y a une autre intrigue de père. De père. Donc il y a Le Roi Lear avec ses trois filles, oui, et notamment Cordelia, et puis il y a Gloucester avec un fils illégitime, Edmond, oui, mais qu'il adore, et un fils légitime, Edgar, mais qu'il déteste. Bah, qu'on l'aide à détester, parce qu'il ne le déteste pas au début. Il l'aime moins, parce qu'effectivement, dans l'acte amoureux, il a été moins heureux. Il a fait son devoir de père, tandis que pour faire naître le bâtard, il ne savait pas que le bâtard en naîtrait, mais il a été effectivement extrêmement heureux dans cet acte amoureux, il le rappelle dans la pièce. Donc, d'abord, il y a toute cette parole extrêmement libérée sur ce que c'est que aimer, aimer physiquement, jouir physiquement dans toute la pièce. Il y a cette dans toutes les pièces, dans Hamlet aussi, on a cette notion de jouissance. Elle est pervertie, elle est salie, elle est salie. Et d'ailleurs, c'est toujours très étonnant de l'avoir associée en fait avec des figures paternelles, parce qu'en fait, il est question d'inceste, il est question de couches conjugales et d'enfants. Et en fait, il y a quand même une dimension effectivement incestueuse, même quand Cordélia dévoile tout cet amour à son père, quand on entend Hamlet qui déclame cet amour pour son père et donc aussi pour sa mère et la jalousie qu'il a envers Claudius, on est un peu, un peu gêné peut-être. Je ne sais pas si on est gêné parce que nous sommes des post-victoriens, que nous avons connu la reine Victoria, mais bon, je pense que pour... Il y a en tout cas des... Enfin, il y a des choses qui sont dites et qui sont mises sous nos yeux. Il y a des inconscients plus libérés que les nôtres. Voilà. Oui, c'est voilà. Ça. Parce que c'est un immense auteur et que tout immense auteur a un inconscient moins noué, sinon il ne pourrait pas écrire. Nous n'écrivons pas parce que nous avons des inconscients tellement noués que ça nous est impossible de dire les choses telles qu'elles sont. Nous serions épouvantés de dire nos vrais désirs. Donc nous nouons tout ça et nous ne pouvons pas les écrire. Mais les grands auteurs, ces auteurs immenses, que ça soit Karamazov, que ça soit Hamlet, que ça soit dans Le Roi Lear, effectivement, ils sont tellement libérés qu'ils peuvent aller jusqu'au bout de ce qu'il y a à dire sur le désir. Et d'ailleurs, le roi Lear lui-même, quand il se rend compte que ses deux filles aînées sont à ce point perverties dans leur relation affective à lui, il dit qu'il pourrait dénoncer dans sa femme une femme incestueuse de lui avoir donné des filles pareilles. Il renie dans le ventre de sa femme les filles qu'il y a faites. Le ventre est très présent. Lui-même dit, quand il est récusé par ses filles, il s'en montait hystérica passio. C'est-à-dire cette passion hystérique, cette passion de la femme, cette passion qui vient des femmes, il la sent monter en lui. C'est dire à quel point on a, chez Shakespeare, un inconscient libéré. Dévoilé. Dévoilé, un inconscient qui peut dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire le désir masculin ou le désir féminin dans ses formes les plus extrêmes. Et l'homme, le roi Lear, est la mère de ses filles. Il est en fait la mère de ses filles. Et c'est ça qui est extraordinaire tout au long de la pièce. Ce qui est frappant aussi, c'est cette manière dont il est surpris de la réaction de la chair de sa chair. C'est-à-dire que c'est comme si, quand Cordélia lui disait « je ne veux rien », ou quand, au fur et à mesure de la pièce, il se rend compte de Regan et Gonerils, de leurs véritables intentions ou caractères, c'est comme s'il se sentait trahi par lui-même. Comme si ses enfants étaient le prolongement, son propre prolongement. Oui, mais... En même temps, alors ça, ce sont les images shakespeariennes absolument extraordinaires, il fait retour à l'acte de conception et il fait retour sur cette conception du fœtus qu'on aurait dû aimer, l'enfant qui va naître et dont lui, dans sa rage, veut faire des pustules, c'est absolument extraordinaire. De cette façon, il retourne dans le ventre maternel pour y retrouver ses filles immondes et les renier, les récuser. Il y a là des images d'une violence tout à fait extraordinaire. Il y a tout un jeu de rôle, comme dans Hamlet, entre le fils qui veut prendre la place du père, et là on a le père qui prend la place de la mère. C'est-à-dire que chacun s'échange les rôles. Il est le père-mère. Il est le père-mère. Il a littéralement porté ses filles. On a l'impression qu'il a porté ses filles dans son ventre. Il y a une présence du ventre et de l'imaginaire du ventre, même quand il regarde la tempête. Pour lui, la tempête, c'est un ventre déchaîné qui va comme ça répandre sur toute la terre tout ce qui est la semence du monde. C'est extraordinaire, ça aussi. Il y a ce côté tragique qui tient à des éléments implacables, des éléments nécessaires. D'un côté, les liens du sang, et de l'autre, les éléments naturels, comme cette tempête qui gronde et à laquelle il ne peut rien faire. Oui, mais cette tempête est un ventre. C'est vraiment le ventre du monde qui va, tout d'un coup, ce ventre du monde va éclater tous les germes de vie qu'il y avait dans ce ventre du monde. Il y a une espèce de vitalisme dans cette pièce, tout à fait étonnant. Et, mais un vitalisme contrarié. Ah bah peut-être, tragique. C'est tragique. Comme ça, oui, ça tourne mal. Mais c'est comme ça. C'est pas une tempête ordinaire. C'est pas simplement des vents et c'est pas seulement ça. C'est que le germe, les germes même du monde, dans cet immense ventre qu'est l'univers, ça même va être maculé par l'acte des filles, cet acte de désamour. Le désamour va impacter la totalité de tout ce qui est vivant dans le monde. Et comment le roi Lear change-t-il d'avis ? Évolue-t-il et finalement comprend l'amour de Cordélia et comprend plutôt les mauvaises intentions de ses deux filles aînées ? Qu'est-ce qui fait qu'il va se rendre compte qu'il a peut-être été dupé ? Ah bah, de toute façon, ça vient très vite. Shakespeare accélère la tragédie très vite, puisque dès l'acte 2, c'est terminé, il n'est plus reçu par ses filles, on lui a enlevé tous ses chevaliers, c'est-à-dire on l'a désinvesti de ce qui faisait de lui le père. Tous ces attributs d'autorité. Ces chevaliers, ce ne sont pas des chevaliers. C'est vraiment le père, la domination du père, l'autorité du père. C'est cela dont on le désinvestit très vite. Avant la fin de l'acte 2, il est désinvesti de toutes ses prérogatives de père. Sauf par Cordélia, puisque Cordélia est en France, on n'en entend pas parler. Et quand elle reviendra enfant douce, auprès du père, comme si rien n'était arrivé. Ben, je vous propose d'écouter ce moment des retrouvailles entre Cordélia et le roi Lear. Oh, mon cher père, je voudrais que la guérison soit sur mes lèvres et que ce baiser puisse réparer le mal que mes sœurs ont causé à ton grand âge. Chère princesse, si bonne. Même si vous n'aviez pas été leur père, vos cheveux blancs à eux seuls réclamaient de la pitié. Votre visage était-il de ceux qu'on expose aux fureurs du vent ? Une nuit pareille, j'aurais gardé près du feu le chien de mon pire ennemi, et même s'il m'avait mordu. Et toi, mon pauvre père, il t'a fallu loger avec des cochons, avec des vagabonds, sur de la paille pourrie. Mon Dieu, c'est un miracle que tu n'aies pas perdu à la fois la raison et la vie. Il se réveille. Parlez-lui. Parlez-lui, vous. C'est mieux. Comment vous sentez-vous ? Vous allez bien ? Oh, vous me faites du mal. Vous me faites du mal en me sortant de la tombe. Oh, tu es une âme bénie. Moi, je suis attaché sur une roue de feu et mes larmes me brûlent comme du plomb fondu. Père, vous me reconnaissez ? Oui, oui, vous êtes un esprit, je le sais. Quand êtes-vous morte ? Encore, il délire encore. Il se réveille à peine. Il faut lui laisser le temps de se reprendre. Hein ? Où est-ce que j'étais ? Hein ? Où est-ce que je suis maintenant ? Il fait grand jour ? Oh. On m'a terriblement maltraité, moi. Je mourrais de pitié si je voyais quelqu'un d'autre dans cet état. Moi, je ne sais pas quoi dire. Quand ce sont mes mains, là. Ah, je n'en jurerai pas. Voyons, si je me pique avec une épingle, je le sens. Ah, je voudrais bien être sûr de mon état. Regardez-moi, oui. Je vous en prie. Étendez la main, bénissez-moi. Non, ce n'est pas à vous de vous agenouiller. Ah, de grâce, ne vous moquez pas de moi. Je suis qu'un vieil imbécile, un idiot. Pensez, j'ai plus de 80 ans. Pas une heure de plus, ni de moins. Gisèle Venez, il nous reste quelques minutes pour commenter cet acte 4, scène 7. C'est un dialogue entre le roi Lear, interprété par Michel Galabru, et sa fille Cordélia, interprétée par la propre fille de Michel Galabru, Emmanuel Galabru. C'était en 2007 pour France Culture, réalisé par Jacques Taroni. On entend ces retrouvailles, cette réconciliation plutôt, entre le roi Lear et sa fille. Comment on peut se réconcilier avec une fille qu'on a répudiée et avec un père qui a été déchu à un moment donné de sa propre fonction paternelle? Bien, d'abord, il la prend pour un esprit. Il ne la reconnaît pas tout de suite. Il pense qu'effectivement, elle vient d'un autre monde. Et il met très longtemps et il va s'humilier après devant elle. C'est un des pères merveilleux qui savent demander pardon. Il sait très bien. C'est très très beau la scène du pardon. Parce qu'elle ne lui demande aucun pardon. Elle ne se sent pas agressée par lui. Et en même temps, lui lui demande pardon. Et c'est d'une beauté extraordinaire de voir effectivement s'inverser ce couple. D'habitude, c'est l'enfant à qui on pardonne avec l'autorité du père. Et ici, c'est l'autorité de l'enfant qui doit donner ce pardon au père. Et on a tout au long de la pièce, effectivement, cette image du père qui devient l'enfant de ses filles. Par exemple, Bouffon, quand il se moque du roi Lear, il lui dit « Tu es comme... tu as baissé ta culotte devant tes filles et elles t'ont corrigé. Tu as fait d'elles tes mères. » C'est-à-dire, tu as confondu les hiérarchies. Et tout au long de la pièce, on a cette impression qu'effectivement, le père est-il la mère et la mère est-elle le père? L'enfant est-elle, les filles en particulier, qui refusent tout? Elles sont des forces de refus formidables. Elles sont celles qui... Elles sont les figures paternelles. Elles ont l'autorité. D'autorité. Elles imposent leurs autorités. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'inversion. C'est d'ailleurs une image de monde renversé tout le temps. Toutes les valeurs sont des valeurs de monde renversé. On a des images du monde renversé. Par exemple, c'est l'âne est porté sur le dos de celui qui traverse le gué. C'est l'âne qui pousse la charrette, etc. Enfin, il y a beaucoup d'images du monde renversé et qui sont aussi représentées par le bouffon, celui qui effectivement n'a aucune figure d'autorité, qui n'existe pas, qui n'a pas de nom, ni nom ni prénom, mais qui donne toute la morale de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a absolument perdu toute cohérence, on ne sait plus du tout à quoi servent les mots, et on a bien vu que les mots ne servaient à rien, puisque tous les mots, depuis le début de la pièce, ont été des pièges. Pièges pour les filles, pièges affectifs, pièges surtout pour le pauvre roi Lear, qui avait une telle foi dans les mots, et le premier mot qu'il a entendu de sa fille Cordelia, rien, absolument détruit son monde. Donc on a quand même tout au long de la pièce une sorte de renversement, de mise à l'envers des principes d'autorité habituels, y compris même des images du masculin-féminin, puisque le roi Lear devient une figure féminine, c'est lui qui a accouché de ses filles, presque, en un sens. Et est-ce qu'on peut dire néanmoins que la pièce se finit bien, c'est-à-dire que vous avez employé l'expression de Clément Rosset, la logique du pire, en même temps dans cette réconciliation entre le roi Lear et sa fille Cordelia, il y a une fin heureuse? Oui, sauf que Shakespeare quand même sait faire revenir en scène ses personnages. Et la prochaine, juste après cette réconciliation, on voit le roi Lear qui entre en scène en hurlant de douleur, parce qu'il tient le cadavre de Cordelia qu'il a empêché que l'on pende, mais il tient le cadavre de Cordelia dans ses bras, il fait tout pour essayer d'imaginer quelle vie, la moindre plume, lui servirait à penser qu'elle a encore un peu de souffle, et elle n'en a plus, et donc on a ce moment de désespoir radical et absolu, quand Lear enfin retrouve sa fille, c'est une fille morte, elle est à ce point morte qu'il dit qu'elle est son pauvre bouffon dans ses bras. C'est-à-dire qu'elle est devenue cet autre petit être qui était toujours à côté de lui, celui qui faisait tous les commentaires, qui lui donnait en quelque sorte les codes de sa vie, son bouffon. Et bien maintenant, le bouffon est mort dans le corps de Cordelia, c'est-à-dire que Tout cet accompagnement, ce compagnonnage sur lequel il comptait encore, son bouffon et sa fille, cela même lui est pris à la fin. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il expire. Et il meurt de chagrin. On a une ultime inversion avec cette mort de Cordelia avant même celle du père. Ah oui, absolument. Absolument. Il aura vécu le tragique jusqu'au bout. C'est-à-dire la logique du pire. Il la vit, cette logique-là, jusqu'au bout. C'est une pièce absolument phénoménalement immense de ce point de vue. Et sur les pères qui vivent la tragédie jusqu'au bout. Absolument. La tragédie d'avoir été père et mère de leur enfant. Merci beaucoup, Gisèle Venez. T'aimais pas les chanteurs qui bougent le cul. T'aimais pas les chanteurs qui chantent aigu. Mais tu m'en voulais pas. C'était bien comme ça. Si c'était bien pour moi. T'as pas vu ni l'Asie ni les Amériques. Ni l'Afrique. Tu serais bien allé en Afrique. Mais tu n'en voulais pas. À qui que ce soit, peut-être à part toi, papa. J'ai perdu mon papa, je le cherche partout. J'ai perdu mon papa, ça va me rendre fou. J'ai des désirs de meurtre. J'ai des désirs de meurtre. Je roulais quand j'ai vu le hérisson. Je braquais pour écraser le hérisson. Oui, je l'ai fait vraiment. Je l'ai fait sciemment. Je l'ai fait vraiment sciemment. Oh, j'aimerais que tu sois 5 minutes avec moi, allongé près du bois à regarder le ciel. Ça, on l'a jamais fait, on le fera jamais. Y a plus de choses que l'on fait pas que de choses que l'on fait ensemble. On n'a jamais fait la guerre. T'aimais pas les chanteurs qui bougent le cul. T'aimais pas les chanteurs qui chantent aigu. Mais tu m'en voulais pas. C'était bien comme ça. Si c'était bien pour moi. Merci papa. Après Shakespeare, un autre papa, c'était celui de Philippe Catherine. Merci encore Gisèle Venez. On peut lire les œuvres complètes de Shakespeare, dont vous avez dirigé l'édition avec Jean-Michel Desprats, c'est aux éditions Gallimard en Pléiade. On peut aussi lire précisément Hamlet et Le Roi Lear dont on vient de parler aux éditions Gallimard, dont vous avez aussi fait l'édition et que vous avez annoté. Et enfin, De vous, Temps et Vision tragique, Shakespeare et ses contemporains, c'est aux éditions Presse de la Sorbonne Nouvelle. Et un grand merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda qui a préparé cette émission, Joseph Rouxel, Adèle Van Red, bien sûr que vous retrouverez en fin de semaine, Thomas Beau à la réalisation avec à la prise de son Pierrick Monsigny. On se retrouve demain pour la dernière émission de notre série sur le père. Et demain, on se demandera s'il faut abolir le patriarcat avec la philosophe Manon Garcia. Mais d'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission sur Shakespeare et ses pères, c'est simple, il suffit de vous rendre sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Et rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram pour suivre les programmes et avoir toutes les informations de nos émissions.